Après ma mort, je sais pas où je vais finir, moi. J'ai péché, ensuite repêché en prenant des risques. Maman m'a dit, sois un bonhomme, mon fils. À part ça, je demande rien d'autre, moi. Pour moi, t'es le meilleur, s'ils ne sont pas d'accord, nous, on s'en fiche. Au cœur de la justice, c'est moi qu'on appelle bon pour. J'ai pas tout, rien n'a plus. Je sais pas toujours sans mes mots. Si mon talon devient mort, je crois pas qu'on la vente de plus que. J'ai fermé toutes ces portes pour pas laisser rentrer les envieux. Au cœur de la justice. La cité en possession, les consarons tout le monde est souriant. Marcher en compagnie de la veine, c'est pour ça qu'il y a la pince à mes côtés.